tous les matins. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Quel est le sondage justement, Teuf? Et alors, en fait, je sais la vérité hein, aujourd'hui sur les professions qui trompent et surtout sur qui trompe le plus. Ah bon? Oui. Profession qui trompe. Ouais. Donc en fait, en gros, si votre mec est ingénieur ou informaticien, vous avez 10% de chance qu'il vous trompe. Ouais, d'accord. Pas grand-chose quoi. Bah si, c'est déjà pas mal. Bah, c'est quand même pas mal. Ça fait 1 sur 10 quoi. Bah moi je trouve que ça va beaucoup. Ah bon, d'accord. Alors s'il est dans la finance. Parce qu'on a pas encore parlé des animateurs télé. Non, ça y a pas. J'ai pas. Donc j'ai si votre mec est dans la finance, c'est 8% de chance qu'il vous trompe. D'accord. Oui. L'éducation 6%, médecin 4% et les avocats 3%. Attends, d'accord. J'aurais jamais dit que l'informaticien derrière son ordinateur tromper plus que le médecin qui est tout le temps avec ses infirmières. Ouais, mais est-ce que regarder un film porno ça compte? Non, ça ne compte pas. Ah d'accord, faut vraiment pratiquer quoi. Et donc, attends, ça je suis super étonnée. Et donc ce qui est énorme, c'est surtout que le mari attend plus longtemps que la femme pour tromper. Ah et oui, d'accord. Parce que le mari attend environ 40 ans et 10 ans de mariage pour tromper, alors que la femme elle attend plutôt 5 ans et plus d'argent et plutôt 3 ans de mariage hein, donc d'accord. Je crois pas du tout à ton truc quoi. Bah écoute, moi j'ai mis le sondage en tout cas sur le groupe Facebook, sur le facebook.com/funradio. Quoi. Voilà, bonne donc idée. À votre avis, en faisant quelle profession on a le plus tendance à tromper son copain ou sa copine? Voilà, et surtout ne faites pas confiance aux mères au foyer, ce sont les pires cochonnes. Ah bon. Donc pour l'instant, le plus de votes c'est politicien, ensuite médecin ou encore serveur. Voilà, pour l'instant. Mais bon, le sondage vient de commencer donc on peut pas non plus encore vraiment prendre ses réponses en considération. Bon, on va appeler à 8 pour se renseigner. Hein. Bah oui, pour voir si ça a trompé à 8. Exactement, direction 8 maintenant, renseignement donc par rapport à la vérification de ce sondage. Et vous pouvez y répondre aussi en allant sur le Facebook de Fun Radio, facebook.com/funradio. Oui, bonjour madame. À qui je veux? Oui, Toff à l'appareil. Comment? Toff à l'appareil. Je n'entends pas. Oui, je disais c'est Toff à l'appareil. Toff? Voilà. Et en fait, je ne connais pas. Pardon? Je ne connais pas. Non, on ne se connaît pas. Et en fait, je voulais savoir si votre mari vous avait déjà trompé. Écoutez bien, mon mari, on s'est séparés il y a déjà 40 ans. Oui. Donc maintenant, je suis coiffeuse, pensionnée, que désirez-vous de moi? Ben, savoir si votre mari vous avait trompé quand vous étiez avec lui. Je n'entends pas bien, je m'excuse. Oui. Vous voulez savoir si mon mari, quoi? Vous a trompé. Il est allé voir ailleurs. Je ne vous regarde pas, je ne parle pas de ça à votre téléphone. Non. D'accord, donc je prends ça pour un oui. C'est pour ça que vous l'aviez quitté. Mais je n'en sais rien, ça ne vous regarde pas. Bah, vous savez bien pourquoi vous vous êtes séparés. Non. Bon, elle n'a pas bien compris la question, on va la rappeler pour être sûr. Hein. Bah oui. Je crois qu'elle a compris, elle a juste pas envie de répondre. Ouais, il y en a d'autres qui n'ont pas compris la question sur le groupe Facebook. Hein, donc, vérification de sondage. À votre avis, en faisant quelle profession on a le plus tendance à tromper son copain ou sa copine? Quelqu'un qui a répondu en couchant avec une autre fille. Oui, quelle belle profession. Ah oui, mais ça c'est. Allez, je suis coucheur professionnel. Voilà, c'est ça. Allez, on la rappelle à lui là, c'est parti. Attention. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Et alors, que voulez-vous de moi? Je ne comprends pas. Bah, en fait, je veux juste savoir en fait, si votre mari vous a trompé et s'il vous a trompé, la profession qu'il avait. Non, je ne donne pas trop ces mots comme ça, ma madame. Non, c'est monsieur à l'appareil. Hein? C'est monsieur à l'appareil. Quel monsieur? Bah, monsieur, je suis un monsieur. Je ne suis pas une madame. Moi, je suis madame. Oui, et moi, je suis monsieur. Et vous désirez savoir de nouvelles sur un monsieur? Non, moi je suis un homme. Oui, et vous voulez savoir si monsieur Curel a trompé sa femme? Voilà. Et pourquoi ça? Oh. Bah, c'est une enquête, c'est pour faire des statistiques. Oh, non, on ne répond pas ça au téléphone. D'accord. Donc comme j'ai bien compris qu'il vous a trompé, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Moi je ne dis rien du tout. Allez, bonne journée madame. Oh, ouais, pas compris. Bon, je pense qu'on va laisser tomber pour cette réponse. Attends, mais Toff, on te prend hyper souvent, ouais, madame. C'est bizarre, très déçu. C'est bizarre. Super drôle. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Tous les matins, 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Et nous allons maintenant prendre Jean-Claude avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Bon, t'appelles de Flémal, toi, t'as 30 ans. Encore un prof? C'est dingue, on a que des profs qui nous écoutent le matin. Bah ouais, on est en congé, donc ça peut faire. Ah, il est franc, lui. Bah, attends, mais comment ça, t'es en congé le 14 juin, je comprends pas. Bah ouais, on surveille des examens, donc tranquille. Ah ouais, donc t'es en congé. Eh ben écoute, Jean-Claude, t'es le premier à avouer les choses. Voilà, donc rien que pour toi, tu as droit à le bip bip. Tu as droit au bip bip. Voilà, merci. Voilà, mais je t'en prie, écoute, avec plaisir. Bon, Jean-Claude, maintenant, on va voir comment ça va se passer hein, au niveau du serez-vous plus intelligent qu'une miss, hein, histoire de voir, parce que bon, le matin c'est bien, tu surveilles les examens et tout, mais tu n'as pas prouvé que tu étais apte. Voilà, il faut pour ça réussir cet examen crucial qu'est le serez-vous plus intelligent qu'une miss. Tu penses que tu vas l'être, Jean-Claude? On va essayer. Bah oui. Faire trop malin parce qu'après. Il s'avance pas. Bon. Non. Bon, on va essayer. Bon, allez, Jean-Claude, on y va. Première question. Faut faire 5 sur 5 pour gagner l'iPod, 4 sur 5 pour gagner des places de ciné. Et en dessous de ça, eh bien, tu retourneras chez tes élèves les mains vides. Okay. D'accord. Allez, on y va. Comment s'appelle notre équipe de hockey féminin? Quand je dis notre équipe, c'est l'équipe belge, évidemment. Oh là. Eh oui. T'as un gros chat. Qui va aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Oui, bah le chat il va pas aux Jeux Olympiques, mais l'équipe, ouais. C'est un gros chat. Ouais, très gros. Pas dit au hasard. Franchement. Un très gros chat. Bah, il sait pas. Je ne vois pas. Oh, tu veux pas dire au hasard non plus? Non, là je vois vraiment pas. C'est les panthères, c'est comme ça qu'elles s'appellent. Wow. Ah bah oui, mais bon. Quel alcool est la spécialité de Liège? Le Péquet. Bien sûr. Bah ouais, ça me fait un alcool. Qu'est-ce que tu crois, toi? Bon. Quel ex numéro 1 mondial a essayé de faire son comeback à Miami il y a pas si longtemps que ça? À Miami. Ouais, quelqu'un qui ouais, je prends ma retraite. Alors, il y en a quelques-uns comme ça. Ah ouais. Ouais, mais des Belges, il y en a moins. Ouais, là c'est des Belges, c'est une en l'occurrence. C'est une. Ouais. Bah, alors ça, c'est Justine. Ah non, perdu, c'est l'autre. C'est Klim Kleisters. Eh oui, dommage. Bon, question suivante. Vrai ou faux, Yves Le Terme est ministre dans l'actuel gouvernement? Le Terme, non. Non, effectivement, c'est une bonne réponse en l'occurrence. Et quel empereur français a été battu à Waterloo? Napoléon. Bah ça ne fait malheureusement que 3 sur 5. Eh oui, c'est dommage. C'est gentil Jean-Claude. De venir quand même. Mais oui. Bon, bah écoute, c'est pas grave, Jean-Claude, tu iras vérifier tes examens quand même, hein, d'accord? Bah ouais, ok. Bon, allez, c'est pas grave, tu reviens quand tu veux, Jean-Claude, à bientôt. Pas de problème. Allez, bonne journée. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Tous les matins. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis vous le savez, tous les jours, il y a des journées internationales officielles de tout et n'importe quoi. Et nous, on mise évidemment surtout sur le n'importe quoi avec Pierre, puisque là, c'est la journée internationale des pompiers. Et oui, les pompiers, vous êtes à l'honneur ce matin. Et écoutez. Aïe, aïe, aïe. Les pompiers, j'écoute, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, Pascal Bernard, humoriste et interprète. Je suis en fait en train de tester des vannes pour mon futur One Man Show. Et je vous propose une vanne et vous me dites si vraiment elle est drôle ou pas. Alors, allez-y. Pompier bon oeil. C'est tout. Alors, je vous garantis pas que ça marche. Hein. C'est vrai, mais vous, ça fait aucun effet? Non. Et un de vos supérieurs éventuellement? Non plus. Bah, pompier. Encore moins, je pense. Pompier bon oeil. Ouais. Ouais. Pompier bon oeil. Pompier. Oui. Pompier bon oeil. Ouais. Non? Non, non plus. Pompier de Nalimine s'appelle Vincent, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au centre de secours. Oui. Oui, secourez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je suis seul, j'ai besoin d'affection, secourez-moi. Vous trompez de numéro. Ah, c'est pas les pompiers roses? Non, pas du tout. Ça part compliqué de Berck-sur-Mer, sergent chef, merci, bonjour. Oui, bonjour, Pierre Crête, anonyme à l'appareil. Je voudrais juste, si vous pouvez, éventuellement, entonner avec moi la chanson phare des pompiers. Non, je la connais. Vous connaissez pas? YMCA. YMCA. C'est pas mal ça, monsieur, non? Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà, alors je me présente. Alors, Pierre, je suis organisateur de soirées, justement. Et je voudrais savoir si dans vos équipes, vous n'avez pas deux ou trois sapeurs-pompiers éventuellement gays de préférence pour des soirées un petit peu pétillante. Gay dans quel sens? Gay, content de vivre, heureux. Ouais, d'accord. Et tellement heureux que hein, s'il y a possibilité, entre eux, éventuellement. Non? Je sais pas là. Il faudrait faire peut-être un petit appel. Vous avez combien d'effectifs chez vous? Bah nous on est 21 pros et une quarantaine de volontaires. Alors là après Bon, et dans les pros, généralement c'est ceux-là qui tiennent le mieux la lance à incendie. Ouais, normalement ouais. Vous voyez ce que je veux dire, l'image ouais. de la lance. Ouais. Vous voyez l'image ouais. Hein. Et puis généralement quand il y a le feu, vous voyez l'image aussi hein. Le feu, la lance, endiablé tout ça, endiablé. Bien sûr. Alors soit vous me chantez la chanson ou soit éventuellement vous pouvez trouver 2-3 sapeurs pour des soirées un peu talentin. Je vais essayer de voir ça et puis je vais leur dire qu'ils vous rappellent. Merci beaucoup monsieur. Y a pas de problème. Allez, au revoir. Je comprends pas pourtant la vanne pompier bon oeil, tu vois. Ah bah elle est énorme. Ouais, elle était énorme. Attends, je pense que c'est la meilleure vanne qu'on ait jamais fait dans cette émission. Hein. Ouais. Carton assuré. Je suis assez d'accord. 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Tous les matins. 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il y a Florent qui est avec nous maintenant. Bonjour Florent. Salut. Comment ça va? Ça va. Eh ben tant mieux, j'ai envie de te dire. Florent, t'appelles de Jean-Blou, toi tu vas tenter de battre Julie. Oh ni oui ni non, ni vous verrez bien, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Parfait, tu es courageux, c'est bien. T'es dans les examens là pour l'instant ou pas comme t'es étudiant? Bah, je commence aujourd'hui. Ah, tu commences aujourd'hui? Ah, fort. Et tu commences d'accord. par quoi? Français. Oh, ça va. Merci. Mais oui. Ça va, vous êtes pire de tous. Ça va aller, ça va. Oui, pour toi, mais après, ça dépend pour qui. Il y en a qui galèrent un peu, il y en a qui galèrent pas. Ça dépend. Ouais. Oui, un peu comme pour bon, tout. Florent. Non, ouais. Le Portugal, il galère pas. Ah, ok, d'accord. Ah non, voilà. Vous t'appelez ça comment alors? Bah, ils ont un peu galéré quand même. Marquer des buts et gagner, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, voilà, en toute simplicité, quoi. Pas du tout. Bon, Florent, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Il faut donc avoir une conversation avec Julie en une minute maximum. Tentez de lui faire dire oui, non ou ça. J'allais dire ce. Ça. Mais bon, on peut mettre ça. Ça. C-A-S-A. C-A ou S-A. D'accord ? Ok. Ouais. Ok. Allez, Florent, on y va. Si toi tu le dis, par contre, effectivement, c'est toi qui perds. Donc fais attention. Vous envoyez, ouais, vous envoyez rien du tout. Vous allez y aller. Une minute, bonne chance, c'est parti. Aïe ! Florent ? Je dis quand ça va. Et ben voilà. Et ben, si ton examen de français se résume par la victoire ou non du ni oui ni non, je pense que c'est même pas la peine que tu y ailles. Hein. Aïe. Oui, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Mais bon, oui, bien, bravo. Bien Florent. Bravo à toi. Hein. Ouais. C'était pas facile ce matin. Bonne journée Florent. Et bonne merde. Ouais, à vous aussi. Allez, à bientôt. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.